Baby. J'suis rentré dans le game avec les couilles d'un dollar. Des airs d'ambition, j'vois des miracles de dollars. J'suis une valeur montante, donc la fin investi. Toi tu supplies pour un chrome, tous les dealers t'ont vesqué. Faut un cercle, par les stars, j'dirais que j'suis mal entouré. La maison c'est comme la mosquée, j'y rentre pas bourré. Mon pote c'est comme mon frère, donc j'veux pas gérer sa sœur. Habillé de principe, dévêtu par des rumeurs. Relation discrète, relation qui dure. Relation cramée, y'a quelque chose qui brûle. Le 9-3 c'est un livre, FAB c'est l'auteur. J'ai cuisiné les charts pour mettre la tarne au beurre. Des ennemis dans tous les sens, comprends pourquoi je me retourne. J'rappe des instants perdus, quand j'écris je me retrouve. Si t'as du liquide dans la poche, c'est que t'es chlasse et la jambe. Ta meuf en or t'as plaqué pour bronzer avec ton argent. Entre nous on est mauvais. Les rappeurs même lequel ne m'aiment pas. Ouais la rue c'est mon reflet. Leur ça c'est pour pas un mandat. Au jaloux j'aime mon revêt. Il m'a dit si tu savais. Tu fais de larmes et de regrets. Encerclé, non, on se rend pas. Quand t'entends mes punchlines, tu diras que je suis trop fort. J'ai prié pour mon arme, une arme sauvera mon corps. Mon succès ronfle trop fort, les jaloux ont plus sommeil. Un fusil à lunettes pour devoir mourir au soleil. Fils de femme pauvre, orphelin de la luxure. MC travaille ton cardio ou on t'aura à l'usure. Violoniste, la violence, j'ai pas besoin de partition. Comme le soleil, je compte pas toutes mes parties sombres. On sait que tu retournes ta veste. Oui, c'est à toi qu'on s'adresse. Même calibré, on t'agresse. Nous t'insiste qu'on la baisse. Tant que je l'attrape à l'baisse. On passe même plus la baisse. Pour ceux qui vendent la cesse. Stalingrad ou Barbès. Y'a un baby dans chaque test. Nous on fait pas de la lèche. Une porphaline et Dognes. Trahis pas nos promesses. On se fusille pour des embrouilles futiles. La vérité blesse, donc les boucaves nous mutilent. Entre nous on est mauvais. Les rappeurs même lequel ne m'aiment pas. Ouais la rue c'est mon reflet. Leur ça c'est pour pas un mandat. Au jaloux j'aime mon revêt. Il m'a dit si tu savais. Tu fais de larmes et de regrets. Encerclé nous on se rend pas. Encerclé nous on se rend pas. Encerclé nous on se rend pas. Encerclé nous on se rend pas. Entre nous on est mauvais. Les rappeurs même lequel ne m'aime pas. Ouais la rue c'est mon reflet. Leur ça c'est pour pas un mandat. Au jaloux j'aime mon revêt. Il m'a dit si tu savais. J'y fais de larmes et de regrets. Encerclé nous on se rend pas.